Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 78. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 13 mai 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Voie lactée, tu es Yuri Gagarin, tu es champ d'astéroïdes, tu es Objectif Lune ou Uranus, tu es satellite Spoutnik et tu es aussi... Où sommes-nous? Est-ce que vous en avez une idée, capitaine? Nous sommes à environ 320 années-lumière de la Terre, sur une planète sans nom, en orbite autour d'une étoile de la constellation d'Orion. C'est là que nous devions arriver. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es en apesanteur à la conquête de l'espace. Alors, il y a une dizaine de jours, des astronomes suisses et français ont découvert une nouvelle planète potentiellement habitable située à 20 années-lumière de la Terre. Ainsi, à l'heure où certains Français seraient, paraît-il, tentés par l'exil, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de t'emmener faire un tour aux confins de l'univers. Et pour commencer, du frère Copernic au frère Bogdanov, il faut se souvenir que la conquête de l'espace est un vieux rêve des hommes sur Terre. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de te démontrer qu'en réalité, notre galaxie est truffée d'étrangetés interstellaires. On enchaînera d'ailleurs en empruntant une petite faille spatio-temporelle pour retrouver la voix de Claude Piéplu sur l'hallucinante planète des Shadocks. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons les coulisses de la retraite intergalactique de notre nouveau chef d'État à bord de son vaisseau spatial, le Paloma Millennium. Et enfin, te raconter cette passion du Jean-Claude pour l'astronomie qui n'a cessé d'observer les étoiles le week-end dernier au grand étonnement de Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et guette la comète. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 10 o'clock tonight, put your flat rights on. Join me, hon, we'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Rock around the clock, c'est ce que chantaient Bill Haley et ses comètes en 1962, parce que, cette année-là, dans le ciel passait une musique, un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Oh, quelle année, cette année-là! Alors, ce matin, à l'heure où on nous annonce la découverte d'une nouvelle planète, éventuellement habitable par l'homme, la panique au Mangin Palace a donc décidé cette semaine de grimper à bord d'une fusée à réaction et de partir explorer le cosmos. La conquête de l'espace commence véritablement dans les cabinets scientifiques de la Renaissance. En effet, les humanistes s'interrogent sur la nature réelle du cosmos et remettent en cause la tradition aristotélicienne reprise par l'Église médiévale qui représente la Terre immobile au centre de l'univers. Ainsi, au XVIe siècle, l'astronome Copernic pose des questions révolutionnaires. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? La Lune ? Le Soleil, Mars, Vénus. Alors, je vais faire appel au public. D'accord, public à vos télécommandes, s'il vous plaît. ...56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. ...42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. Ouais, c'est très partagé. Écoutez, je vais dire qu'est-ce qui gravite autour de la Terre, c'est le Soleil. C'est votre dernier mot. Eh oui, hélas, c'est son dernier mot, car malgré un vote à 56% du public, une belle majorité quoi, la bonne réponse était évidemment « c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ». Copernic avait donc raison, mais ses idées furent condamnées par l'Église, tout comme celles de Galilée. Comme quoi, 56%... Enfin bon, l'avant-garde est par définition minoritaire et les visionnaires sont rarement reconnus de leur vivant malgré des expériences scientifiques imparables. Quoi ? Quel est cet homme et d'où nous tombe-t-il ? De la Lune ! Comment ? Et je n'en tombe pas métaphoriquement ! Bon ! J'arrive ! Excusez-moi pas la dernière trombe. Je suis un peu couvert d'éther. J'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astres. J'ai, aux éperons encore, quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète, hein ! Vous devez savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais inventé. La marée ! Oui, l'eau de l'océan par la lune est tirée. Je me mis sur le sable, après un bain de mer. Et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux surtout gardent l'eau dans leurs franges. Je m'enlevais dans l'air, droit, tout droit, comme un ange. Tout droit comme un ange, trempé d'eau de mer et attiré par l'attraction lunaire, c'est donc ainsi que le véritable Cyrano, celui du XVIIe siècle, avait imaginé ses voyages sur la Lune. Cependant, il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que la conquête de l'espace cesse d'être théorique et s'accélère, comme en 1958. Allô, Limou ? Allô, Limou ? Allô, oui ? Monsieur Dumas, avez-vous pu capter les signaux du Spoutnik 3 ? Mais ma foi, oui, nous le suivons depuis son lancement, nous le suivons de très près, nous les avons, nous pouvons vous les faire entendre. Ah, et je ne sais pas, monsieur Dumas, vous m'entendez ? Oui, oui. Limou, vous savez, vu, entendu ici, ce bruit est assez curieux, assez étrange, parce que, au fond, il n'évoque pas du tout un Spoutnik dans les cieux, mais plutôt un train rapide traversant un paysage la nuit et s'éloignant. C'est assez curieux comme bruit. Un train rapide traversant un paysage la nuit. Mais bien sûr, certains, comme les Américains, n'ont pas trouvé si romantiques les bip-bip soviétiques de l'aventure Spoutnik. Car le premier satellite artificiel s'inscrit bien entendu dans le contexte de la guerre froide. Ceci est un film top secret sur la fusée russe Korable. Là, vous avez Titov à droite et à gauche, c'est Gagarine. Non, je crois plutôt que c'est Titov à gauche et Gagarine à droite. Hein ? Non, non. Si. Enfin, bref, ils se ressemblent énormément. Oui, enfin. Bon, en tout cas, si jamais les Soviétiques envoient un homme dans l'espace, ce sera à coup sûr un de ces deux-là. Sans doute celui qui est à gauche. Titov. Gagarine. Mais non, je... Ils sont arrivés à mettre au point un programme impressionnant et c'est lui, le génie, qui est derrière tout ça. Je vous le dis tout net, je n'ai pas l'intention de m'endormir sous une lune désormais communiste. Ôtez-moi ce pantin de l'écran. La lune ne sera pas communiste. C'est sans doute ce que pensait président Kennedy quand il déclarait en 1961 qu'avant la fin de la décennie, un Américain marcherait sur la lune. Kennedy fixait alors une nouvelle frontière pour les États-Unis, un objectif tout autant scientifique que fantastique. Nous sommes en train de mettre au point une fusée à propulsion atomique. Une fusée ? Mais pourquoi faire ? Pour aller sur la lune, bien sûr. Elle est bien bonne, sacrée tournesol sur la lune. Et vous comptez emmener des passagers ? Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi, sur la lune, avec vous ? Mais ma parole, mille savants, vous travaillez de l'électron. Sur la lune, jamais je ne mettrai un seul pied, entendez-vous, dans votre satanée fusée de tonnerre de Brest. Jamais ! It's one small step for man, one C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Un bond de géant pour l'humanité qui rêve désormais à la colonisation de nouvelles planètes et au week-end martien. L'être humain, curieux par nature de découvrir de nouvelles terres, trouve ici un exutoire à ses fantasmes quand sa planète originelle semble totalement explorée. Et les hommes se reprennent à rêver. Ici, fusée à tout. Les étoiles jouent le rôle de perles d'oubli au cœur d'un roi qui se languit. Et je ris très fort, j'ai très peur, je revis. Le rêve d'une conquête spatiale rapide ne résiste pourtant pas à l'épreuve de la réalité. Quelques navettes explosent, l'envoi d'un satellite est devenu banal et des dizaines de sondes parcourent aujourd'hui l'univers. D'ailleurs, les voyages habités dans l'espace ne semblent plus vraiment être la priorité des puissances spatiales. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Appuyage à fond sur le bouton rouge. Bouton rouge, enfoncé comme un malade. Contrôlage du niveau du texte. Niveau du texte, nul. Branchage et métage en place pour écoutage. Branchage et métage en place, effectué. Attention au lançage. Faisage d'attention au lançage. Lançage. Lancé. Ainsi, aujourd'hui, l'homme n'imagine pas trop s'aventurer au-delà de la proche banlieue de la Terre. Les week-ends sur la Lune ne sont pas pour demain, à tel point qu'on se demande parfois si la Lune, elle veut encore de nous. J'ai demandé à la Lune, et le soleil ne le sait pas. Comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand chose à te dire et pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire. Quelquefois que c'était juste une. J'ai demandé à la Lune, c'est ce qu'ont tenté Nicolas et son groupe Indochine en 2002. Alors qu'en 2007, Nicolas, lui, il a décroché la Lune avant de s'éclipser quelques jours au soleil. Alors maintenant, après avoir constaté qu'en effet, la conquête de l'espace est un rêve ancestral des terriens, il est temps désormais, durant quelques minutes, d'essayer de te démontrer qu'en réalité, notre joyeuse galaxie est truffée d'étrangetés interstellaires. Oui, mon ami, quelles sont les bizarreries que tu peux croiser aux confins de l'univers ? C'est en 1915 qu'Albert Einstein découvre la célèbre théorie de la relativité générale qui marque le début de la cosmologie moderne. Ainsi, il devient donc possible de décrire l'univers dans son ensemble comme un système physique. Einstein développe ensuite une autre hypothèse selon laquelle notre univers serait statique, autrement dit qu'il n'aurait pas évolué depuis l'origine. Seulement voilà, au même moment, d'autres physiciens viennent contrarier cette supposition puisqu'ils découvrent qu'en réalité, notre univers est en expansion depuis plusieurs milliards d'années. C'est ainsi que le cosmos devait être plus dense par le passé. Conclusion, à l'origine, il y eut une énorme explosion, le Big Bang. France Inter. Le Big Bang, d'après certains scientifiques, c'est la gigantesque déflagration qui aurait donné naissance à l'univers il y a 3 ou 4 milliards d'années. Hier soir, à Montlouis-sur-Loire, près de Tours, Michel Rocard a proposé à la gauche un Big Bang politique après les élections législatives. Il s'étendra à tout ce que l'écologie compte de réformateur, à tout ce que le centrisme compte de fidèle à une vraie tradition sociale, à tout ce que le communisme compte de véritablement rénovateur, et à tout ce que les droits de l'homme comptent aujourd'hui de militants actifs et généreux. Bien sûr, je sais, et vous aussi sûrement, que la période immédiate se prête mal à ce Big Bang politique auquel j'aspire. Mais dès les législatives passées, nous devons bâtir d'urgence le mouvement, l'instrument de transformation dont la France a besoin, avec tous ceux dont les valeurs ou les références sont compatibles avec les nôtres, même si certains d'entre eux sont actuellement nos concurrents. Alors, comme chacun sait, depuis le 22 avril dernier, dans notre galaxie, certains prédisent que nous pourrions assister à un nouveau Big Bang. Mais il faut être prudent, car dans la foulée d'une telle déflagration, des objets célestes parcourent l'univers à toute vitesse. Il va y avoir un grand événement cette semaine, qui est le passage de la comète de Halley dans le ciel. Cette masse de poussière et de glaçons annonce chaque fois un grand événement. C'est elle, peut-être, qui a jadis conduit la marche des rois mages. Et pourquoi cette comète va-t-elle revenir cette semaine ? Est-ce pour annoncer la fin du socialisme en France ? À mon avis, non. Cela n'en vaut pas la peine, elle ne se serait pas dérangée. Mais elle revient pour annoncer l'entrée de la France dans le monde moderne. Bon, face à une telle comète, que faire pour les socialistes de l'espace ? Eh bien, certains d'entre eux racontent qu'au fin fond de l'univers, sur l'étoile de Solutré, tu peux croiser un chevalier solitaire avec une écharpe rouge et un chapeau mou. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Seulement voilà, le problème en ce moment pour le capitaine Flamme, c'est qu'à bord de son vaisseau spatial, le Solferino Enterprise, son équipage est, comment dire, un peu sidéral et surtout sidérant. À des millions d'années-bureaux de la Terre, un équipage, Zetoun, Panty, Syntax-Error, le mercenaire et le capitaine Lamar, dérivent toujours dans le cosmos à bord du Liberator. Leur objectif, nul. Objectif nul, ça c'est sûr. Mais bon, lorsque tu parcours notre galaxie, il y a bien d'autres curiosités que tu peux découvrir. Souviens-toi par exemple de ce roman qu'avait écrit Pierre Boulle en 1963, cette fameuse planète des singes. Eh bien, était-ce réellement de la science-fiction ? Va savoir. Actuellement, au-dessus de nos têtes, quelque part dans les cieux, un singe tourne autour de la Terre. Oui, un chimpanzé, camerounais de naissance, mais américain par son dressage, Pierre Larouzy. Oui, c'est à 16h10, heure française, bien sûr, que nous avons appris que le chimpanzé Enos, bien installé dans sa capsule Mercury, avait pris le départ. Aux dernières nouvelles, Enos remplit parfaitement sa mission et fait fonctionner les différents leviers comme prévu. Mais il y a quand même quelque chose qui manque dans cette expérience. C'est le dialogue qui devrait, qui pourrait avoir lieu entre ce cosmonaute et la Terre. Eh bien, essayons de nous placer dans une situation bien bizarre si l'expérience était française. Et imaginez, il faut beaucoup d'imagination, imaginez que je sois le chef des opérations spatiales. Alors voilà à peu près ce que donnerait ce dialogue, ça ferait ça à peu près. Allô, allô, Enos, ici la Terre qui vous parle, voulez-vous me dire quelles sont vos impressions ? Merci, merci Enos, bien reçu, tout va bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, certes. Mais bon, voyager dans l'espace, c'est également prendre le risque, bien sûr, d'accepter l'hypothèse que nous ne soyons pas les seuls êtres vivants dans l'univers. Se trimballer dans la galaxie, c'est envisager une rencontre du troisième type. Cela dit, figure-toi que les extraterrestres, justement, rencontrent bien souvent les mêmes problématiques que nous, simples terriens. J'habite la planète que vous nommez Vénus, ça fait longtemps que je vous aurais parlé nus, d'été, les embêtements et les difficultés auxquelles je me suis heurté, car dans nos facultés, il est de nombreux savants qui se refusent à croire que la Terre est habitée et qui se font un devoir de chasser et pourvendre aux cris de hérésie. Laisse ce qu'il pense, et donc je fais paradis. Yop la boum, yop, yop, yop la, yop la boum. Alors maintenant, pour enrichir notre enquête sur les étrangetés intergalactiques, comment ne pas évoquer ici ces conflits interstellaires qui viennent parfois troubler la quiétude infinie de l'univers ? Eh bien, le mieux, je crois, c'est de laisser la parole au facétieux Claude Piéplu pour une séquence nostalgie en compagnie des hallucinants Shadok. On redécouvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Les Shadok et les Jibi qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller vivre sur la Terre. Les Jibi étaient de petits animaux très gentils avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Et ils étaient très, très intelligents. Pour aller sur la Terre, ils ont construit une fusée. Elle fonctionne grâce à un combustible super puissant, le Cosmogol 999. Dès qu'il y aura suffisamment de combustible, la fusée Jibi pourra partir. Les Shadok ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Les Shadok sont excessivement méchants. Sous la direction du professeur Shadoko, les Shadok ont construit une fusée interplanétaire. Mais il restait un problème. Les Shadok n'avaient pas de carburant suffisamment puissant. Pour subtiliser celui des Jibi, le Cosmogol 999, le professeur Shadoko avait mis au point un plan. Nous avons demandé au professeur lui-même de nous dire deux mots de ce plan. C'est très simple. Pour que le Cosmogol Jibi vienne chez nous, il suffit que nous le pompions. Et nous le pompons grâce à cette cosmopompe de mon invention. D'une puissance incroyable de 3 millions de Shadok vapeur. C'est pourquoi toute la population Shadok pompait Pompait, pompait. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Let Go, c'est ce que te propose Joy Donalan, une étoile montante dans la galaxie de la soul music. Et ça tourne pas mal en ce moment sur Inter. Alors, pour poursuivre notre voyage interstellaire, la panique au Mangin Palace a décidé maintenant de te dévoiler, entre fiction et fantaisie bien sûr, ce que furent véritablement les quelques jours de retraite que s'est offert Nicolas Sarkozy en début de semaine. En effet, après son élection triomphale dimanche dernier, Nicolas Sarkozy, comment dire, il était vraiment... En apesanteur. Pourvu que les secondes soient des heures. En apesanteur. Nicolas Sarkozy était donc en apesanteur dimanche soir dernier, bien au-dessus des nuages. C'est pourquoi, en réalité, il n'a pas passé ses quelques jours de repos sur un yacht en Méditerranée, comme on a tenté de te le faire croire. Mais il était bel et bien dans l'espace, sur un vaisseau spatial prêté par son ami, le milliardaire Vincent Bolloré. Nicolas, il avait invité tous ses amis pour sa croisière orbitale sur le croiseur sidéral, le Paloma Millennium. Et au moment d'embarquer, c'était merveilleux. Love, exciting and new. Come aboard, We're expecting you and love. Nicolas Sarkozy est ravi de cette petite croisière qui s'amuse. Le Paloma Millennium mesure 60 mètres de long avec un jacuzzi sur le pont supérieur, 4 écrans géants, mais aussi 17 membres d'équipage. Certes, mais Nicolas en voulait plus. Mais là, Vincent Bolloré, il ne peut pas faire mieux. Désolé, Seigneur, je ne peux pas faire mieux. Qui a fait de lui un canonnier ? Moi, Seigneur, c'est mon cousin. C'est qui ? C'est un trou du cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, Seigneur, trou du cul. Major trou du cul. Et son cousin ? C'est un trou du cul aussi, canonnier de première classe, Philippe trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau ? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Bon, c'est sûr, la croisière de Nicolas ne s'annonce pas de tout repos, surtout lorsqu'une journaliste de l'ORTF, présente à bord, lui pose une question. Dans 2 jours, le monde entier aura les yeux braqués sur vous. Votre nom sera inscrit dans tous les livres d'histoire. Comment en êtes-vous arrivé là ? Celui qui contrôlera les hautes sphères de l'espace contrôlera le monde. Si l'Empire romain a contrôlé le monde, c'est parce que lui, il a su bâtir des routes. Plus tard, si l'Empire britannique a dominé le monde, c'est à cause de sa flotte. À l'ère aérienne, nous étions puissants parce que nous possédions des avions. Maintenant, les communistes viennent de prendre pied dans l'espace. Bientôt, ils auront même des plateformes spatiales pour nous balancer des bombes nucléaires comme des pierres du haut d'un pont. Alors, nom de Dieu, comment se fait-il qu'ils nous dépassent ? Eh oui, les communistes sont clairement aujourd'hui dans l'espace sur orbite géostationnaire. Le nouveau capitaine du vaisseau France, quant à lui, est donc en vadrouille dans la galaxie. D'un hublot de la navette spatiale, Nicolas Sarkozy regarde la Terre, toute petite et toute bleue. Il aperçoit les contours de la France et cherche à repérer le palais de l'Élysée, sans se douter un seul instant qu'au même moment, dans le bureau de président Chirac, l'ambiance est tout autre. Jacques Chirac, le futur ancien président, le seul en vie avec Giscard, la gloire, s'interroge les pieds croisés sur son bureau de l'Élysée. Son ennemi intime va donc prendre sa place et les juges le guettent à la sortie. Alors, quand Bernadette lui demande si ça va, la réponse de président Chirac est filante. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Plus beau vu d'en haut. Plus beau vu d'en haut. Soudainement, président Chirac a une idée fulgurante. Et s'il profitait une dernière fois de sa fonction suprême et surtout du génie spatial français ? Immédiatement, il fait part de son idée à Bernadette. Et si on le faisait ? Faire quoi ? Déménager sur Mars. Chérie, pourquoi il faut que tu gâches une matinée qui avait aussi bien commencé ? Tu pourrais y réfléchir. Chérie, on en a parlé des centaines de fois. Je suis sûre que tu détesterais Mars. C'est sec, c'est laid, on s'y ennuie. En plus, c'est vrai. Une révolution peut éclater d'une seconde à l'autre. D'accord, on n'en parle plus. N'en parlons plus, le couple Chirac n'emménagera pas sur la planète Mars. Ils iront simplement passer quelques jours dans l'espace. Tiens, pourquoi ne pas aller rendre visite à Nicolas Sarkozy, justement, sur son croiseur spatial ? Président Chirac arrive donc sur le vaisseau spatial que Nicolas Sarkozy a choisi pour se ressourcer après la rude campagne présidentielle. Malgré son agacement ostentatoire, Nicolas Sarkozy accueille tout de même président Chirac à bord du Paloma Millennium, son vaisseau interstellaire, et lui présente l'engin. Tcha-tcha-tcha, c'est sûr que d'un coup, on est bien loin des vacances du général à Colombey ou de Mitterrand à Latché. président Chirac tente de dissimuler ses rancœurs et Nicolas son irritation. Chacun essaie comme il peut de tenir ses nerfs, mais la trêve est de courte durée. Casque noir ! Alors, enfin nous voici en présence pour la dernière fois. Avant que je te tue, il y a quelque chose que tu dois savoir qui nous concerne tous les deux, Yop Solo. Quoi ? Je suis le cousin du neveu du frère du père de ton premier copain de chambré. Quel est notre lien de parenté ? Nous n'en avons pas le moindre. C'est pourquoi ce qui doit arriver va t'arriver. Prépare-toi à mourir. Un combat violent donc s'engage dans l'espace entre le vieux maître détrôné et son successeur. Les sabres laser s'entrechoquent et chacun y va de ses invectives. Président Chirac se moque des colères malsaines du nouveau président et refuse de lui confier les codes des fusées nucléaires. Nicolas lui rétorque que s'il continue, comme Mitterrand à sa bibliothèque, Jacques Chirac, lui, aura une centrale nucléaire 4e génération à son nom. Le combat laser reprend de plus belle. Le vieux maître bloque le jeune Jedi qui n'a d'autre alternative que d'appuyer sur un bouton. Non mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien ? Vous avez appuyé sur le bouton d'autodestruction, merci. Ce vaisseau va s'autodétruire dans exactement 2 minutes et 45 secondes. Mais c'est pas possible ! Arrêtez-moi ça immédiatement ! Je ne peux pas, ça n'est pas réversible ! Attention ! Ordre à tout l'équipage d'abandonner le vaisseau ! Abandonnez le vaisseau ! Tous sur la selle de sauvetage ! Je ne sais pas ce que je dois faire ! Je ne prends jamais de décision ! Je ne suis qu'un président ! Il ne vous reste que 2 minutes. Ce vaisseau va s'autodétruire dans 2 minutes exactement. Une seule nacelle et 3 candidats. Je suis le président. Parfait, messieurs. Votre vaisseau est superbe, vous auriez tort de le quitter. Au revoir. Ouais. Ah, mais qu'est-ce qui m'a foutu des ceintures pareilles ? Il faut donc évacuer le navire de toute urgence. Tous les people invités par Sarkozy se précipitent vers les navettes de sauvetage. C'est sans doute Mireille Mathieu qui était la plus triste. La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Voilà, c'est déjà la fin du voyage pour le Paloma Millennium. Tout le monde regagne la terre ferme car désormais, c'est clair, la terre est très ferme. Dans quelques jours, c'est la passation de pouvoir. Espérons qu'aux portes de l'Elysée, Mireille Mathieu ne l'ouvre pas croyant trouver le Saint-Groove. Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Groove. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève, le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y'a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verront la télé. Et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Des tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qui ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé en coupe. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell, l'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Mmh. Vinci Claude. Sheila et la Joconde étaient des hommes. Qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium. Que certains boulangers font des babas au polonium. Qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum. Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo. Tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons, c'est qui a tué Kenny. Mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire avant, je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre de Da Vinci Claude. Da Vinci Claude, c'est le dernier ovni du système solaire qui s'amuse de toutes les rumeurs interplanétaires, mais toujours sans gravité. Alors maintenant, pour prolonger notre exploration intergalactique, il est grand temps désormais de retrouver les deux étoiles filantes du Mangin Palace, les astéroïdes que sont Monique et Jean-Claude. Avant tout, il faut savoir que depuis sa plus tendre enfance, Jean-Claude a toujours été fasciné par la mécanique céleste. Une passion pour les astres qu'il partage d'ailleurs désormais avec son fils Rémi. Et samedi dernier, justement, vers 22h, sous un ciel magnifiquement étoilé, le jeune Rémi tente d'impressionner sa sœur Elsa. La grande ours, t'es sûr? Il y a beaucoup d'étoiles au moins 100. Il y en a 134 milliards, 870 millions et 990 000. Et celle-là, à côté? Ça, c'est l'étoile du berger. Mais elle n'est pas à côté, elle est à 230 années-lumière. Ça fait beaucoup de lumière. Et celle-là, un peu rouge. Antares, mais connaître son nom, t'avancera à rien. Si tu sais pas que la couleur... C'est chiant, les étoiles. Moi, mes stars, c'est Neil Armstrong et Yuri... Yuri Margarine, ouais, je connais. Non, Gagarine, pas Margarine. Ah, je confonds avec le russe qui a inventé le beurre. C'est alors que Monique et Jean-Claude arrivent à leur tour dans le jardin auprès de leurs enfants pour profiter de cette nuit quasi estivale. Jean-Claude, bien sûr, ne peut s'empêcher de se lancer lui aussi dans une description pointue et savante des constellations. Mais pour la énième fois, Monique lui répète qu'elle n'y comprend rien à ce charabia interstellaire. Ce à quoi Jean-Claude, pédagogue, tente de lui expliquer simplement comment fonctionne la galaxie. La nuit est un Coca-Cola. Avec la lune comme une cube, la nuit est un Coca-Cola, Coca-Cola lune. La nuit est un Coca-Cola, Coca-Cola lune. Rémi pouffe de rire, mais vexé bien entendu. Monique décide aussitôt de retourner au salon pour se faire infuser un tilleul menthe. C'est alors qu'au même moment, dans la maison d'en face, le voisin, en compagnie d'un ami, s'amuse eux aussi à jeter un œil dans une lunette astronomique. Je voudrais te présenter ma voisine préférée. D'accord. Tu la vois? Oh. Oh. Oh. Attends, attends, attends. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à regarder. Tu vas voir, tu veux te rapprocher? Ah ouais. Oh là là. C'est net? Oui, c'est encore un peu flou. Et là? Oui. Ouais. Oui, ouais, oui, oui, mieux, oui. Ah, fantastique. Elle fait ça souvent? Tous les soirs, réglée comme une horloge. Tous les soirs? Eh oui. Depuis plusieurs jours, Monique ignore totalement qu'elle est une planète vierge à explorer pour le voisin. Pendant qu'elle déguste son infusion, Jean-Claude, lui, vient de s'installer sur le bord du canapé. Il semble être dans la lune. Monique l'interrompt dans ses pensées et l'interroge pour savoir où il était. Jean-Claude lui répond que... Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. Monique saisit très vite que Jean-Claude est encore en plein délire cosmique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonne étoile encore là? Un présage peut-être? Et pourtant, Monique voudrait bien comprendre ce que ressent Jean-Claude. Pour une étoile perdue dans le ciel, je vois 300 000 étoiles dans tes yeux d'ambre et de miel. une étoile perdue dans le ciel. Je vois 300 000 étoiles briller comme des soleils. Jean-Claude lui fait remarquer que la poésie de l'univers ne s'appréhende pas du jour au lendemain. Tiens, peut-elle imaginer qu'un jour, peut-être, les terriens iront vivre sur d'autres planètes ? Là-dessus, Monique a un avis très tranché. Et s'ils filent tous dans la lune, qui restera garder notre terre avec ses dunes, ses mers, ses vergers ? Et s'ils cultivent les planètes, qui gardera les yeux sur les blés, les pâquerettes, les forêts de nos aïeux ? Eh bien va, nous serons les concierges de la terre qu'ils nous auront donnée, et nous frôlerons les 120 berges puisque nous pourrons nous promener, et nous ferons sans nous presser quelques petits jardiniers. Franchement, Jean-Claude trouve Monique très terre à terre ce soir. Mais elle verra bien demain soir ce que signifie pour lui croire en sa bonne étoile. Il s'apprête à se coucher pendant que le voisin voyeur, lui, poursuit son observation astronomique. Sa robe glisse sur ses talons. Zut, elle a un jupon. Un peu de patience, elle finira bien. Partout laisser tomber avant d'aller se coucher. Voilà la dernière agrafe. Elle n'a plus qu'un tout petit truc de dentelle. Mais quelle est cette main qui passe? Oh! Et l'obscurité qui se fait au moment le plus palpitant. C'est son mari qui l'attendait et qui vient de couper le courant. En effet, Jean-Claude vient d'éteindre la lumière, puis il se précipite sur Monique, tel Jupiter dans Vénus. Restant de portée, règle des vecteurs anti-rayons, je calcule les coordonnées pour passer en vitesse lumière. Attention, la fête va commencer. On passe la barre de la vitesse lumière. À la vitesse de la lumière, donc, cette passion du Jean-Claude pour les étoiles peut aussi parfois réjouir Monique. Elle est totalement détendue. Elle en oublierait presque que demain, c'est le second tour de l'élection présidentielle. Jean-Claude, lui, fait un passage par la salle de bain, d'où il fait part à Monique de l'étendue infinie de ses sentiments à son égard. Je vois Uranus et je m'imagine avec toi dans un bus. Je vois Saturne et je nous imagine tous les deux dans un manège. Et oui, car un manège, Saturne. Je vois Pluton et je m'imagine avec toi allongé dans un futon. Enfin, je vois la Voie lactée et je m'imagine toute ma vie à tes côtés. Ou à tes côtés, tu choisis. Monique est sous le charme de ce poète interstellaire. Elle s'endort près de lui, paisiblement. Le lendemain, le 6 mai, il faisait toujours aussi beau sur toute la planète Terre. Monique et Jean-Claude sont allés voter comme 85% des Français. Et le soir à 20h, lorsqu'est apparu sur l'écran le visage de Nicolas Sarkozy, Monique a soudainement saisi ce que signifiait pour Jean-Claude sa foutue bonne étoile d'hier soir. Il exulte. Jean-Claude était donc ravi. Mais quand Monique, elle, a compris que M. Sarkozy allait être son nouveau président de la République sur la planète France, elle s'est dit que, franchement... Il n'y a plus d'avenir sur la Terre. Il y a quelque chose qui tourne par rond dans le système solaire. S'en est donc suivi une terrible engueulade entre nos deux astéroïdes. Tu m'étonnes. C'est ainsi que s'achève l'Odyssée de l'espace. En tout cas, Monique compte bien prendre sa revanche lors des élections américaines parce qu'elle espère qu'Hillary va sur la Lune. Hillary va sur la Lune par une belle nuit d'été. Il se posa sur la Lune en mer de tranquillité. Il faisait un clair de terre merveilleux. Fille si belle, c'était à devenir fou. Si vous n'êtes pas irréel, comment vous appelez-vous? Je m'appelle galaxie. Je suis froide et je suis belle. Et moi, jolie galaxie, je suis les ondes passées. Elle était bien lunatique et lui bien joli garçon. Et d'un amour platonique, galaxie aima Léon. Mais quand il se fit trop tendre, le temps d'un premier baiser, il enleva son scaphandre, l'air se mit à lui manquer. Et dans les bras de sa belle, il est mort pour un baiser. À présent, il se promène, car il est satellisé. Je m'appelle Galaxie, je t'envoie ces fleurs nouvelles. Elles te suivront dans la nuit, adieu Léon de Passy. Plus tard, quand les cosmonautes par là viendront à passer, ils diront c'est un des nôtres, on n'était pas les premiers. Mais ils entendront peut-être parfois là-haut, galaxie, pleurer une autre planète, pleurer Léon de Passy. Qui tourne autour de la lune, on voit passer derrière lui une couronne de fleurs de lune, si gît Léon de Passy. Qui tourne autour de la lune, on voit passer derrière lui une couronne de fleurs de lune. Galaxie, un duo très spatial entre la vénusienne Françoise Pourcel et l'extraterrestre Jean-Jacques Debout. Parce que pour celle qu'il aime, Jean-Jacques est toujours prêt à joindre les deux bouts de la galaxie. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage interstellaire autour du système solaire. De Copernic qui observe les étoiles aux voisins qui observe Monique, de Gagarine sur orbite à Nicolas sur le Paloma Millennium et de la Terre à la Lune, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être la conquête spatiale. Alors, pour finir, l'espace nous fascine-t-il toujours autant ? Eh bien, il est évident que la découverte d'une nouvelle planète nous fait oublier un instant les lois de la gravité et notre pauvre condition de terrien. Mais en même temps, il est tout à fait clair aujourd'hui que ce n'est pas demain la veille qu'on nous proposera de partir en week-end sur Mars ou de piquer une tête dans la mer de la tranquillité. Alors, en attendant la colonisation de Pluton, le mieux, c'est de se faire une raison. Parce que, de toute façon, comme chacun sait... Tout ça ne vaut pas. Un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Le doux soleil de Tourcoing. Quoi, quoi. Oh, je vous en prie. Hein. Tout ça ne vaut pas. Une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas. Des vacances au Kremlin. Bicêtre. C'était le lunaire Bourville qui te donne des conseils de week-end accessibles à tous. Et c'est déjà pas si mal. Voilà, fin du 78e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la conquête de l'espace, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure total foutraque et archi loufoque bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sophie Moreno. Merci beaucoup à elle. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Perrine Reversa, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast.